crois comme une enfant. Je veux que tu me crois comme je te croirais si tu me supplies. Je veux que tu me crois sans preuve, juste parce que je te le dis. Je veux que mes mots triomphent, sonnent comme un clairon qui lance la charge. Je veux que tu me crois parce que tu le veux aussi, mais tu n'oses pas. Je veux que tu me crois parce que comme moi, tu te moques d'être raisonnable. On sera bien assez brûlés et votés dans des urnes. Je veux que tu crois en moi comme un dieu compris et qui fait nous des assassins. Je veux que tu me crois parce que t'es belle quand tes joues sèchent leurs fleurs de sel. Je veux que tu me crois même par dépit ou lassitude. Je me contenterai d'un murmure de libellule. Je me contenterai de demi-mots, de points de suspension. Je me contenterai du silence de ton visage, qui esquisse un lointain sourire. Je veux que tu me crois qu'il y a un éclair qui crache sa lumière. Que tu oublies la nuit et son rire endeuillé. Que tu oublies ces ténèbres envahissantes qui chassent le moindre abri de clarté. Je veux que tu me crois avant qu'il soit trop tard, avant que la vie devienne dégueulasse. Je veux que tu me crois avant qu'il soit trop tard, avant que la mort s'ennuie et devienne arrogante. Je veux que tu me crois comme si tu n'avais pas le choix. Je veux que tu me crois même plein de soupirs et de soleil froid. Je veux que tu me crois et pourtant, si ce n'est pas le cas, si malgré tout tu doutes encore, tu ne crois pas, tu ne crois plus, alors je respirerai les taches de lune du crépuscule. Je traînerai mon cœur derrière moi du bout de mes artères. J'arpenterai les terres creusant des sillons de plus en plus profonds. J'userai mes pieds jusqu'à ce que la douleur me freine. Je vieillirai dans une désolation nue où il n'y aura plus rien à cramer. Je vieillirai sans voix, sans pensée, expatrié de mes sens. Je m'écroulerai sur un tapis de feuilles en espérant que ton souvenir s'essouffle. Je m'écroulerai dans une prairie muette dérobée d'un film de Miyazaki. Et j'attendrai que le vent me vole mes larmes pour les semer dans d'autres paupières asséchées. Je laisserai me voler, je laisserai tout voler, tout. Jusqu'à ma peau, mes organes, jusqu'à ce qu'ils rognent mes os. Mes os rassemblés au cœur des champs, au cœur des vallons, des collines. Mes os aussi blancs que le vide avant la naissance de l'univers, des os qui ne savent pas les couleurs, ni la pression des tendons, des os vierges et innocents qui n'ont pas encore appris le mensonge, des os qui s'enterrent, beaux comme des naissances.